the reasons you were given. Yeah, because your reasons were legendary. Tu vois, un vélo, il est sur la même durée qu'on reçut. Oh, c'est sérieux.